Alice et moi, c'est le nom d'un projet d'une demoiselle qui s'appelle Alice Valor, qui est une étudiante en Sciences Po, qui se sent timide, stressée, un peu renfermée dans ce monde de brut, et puis qui s'éclate à faire de la musique, où là, elle se lâche, tant dans la musique que dans les paroles, voilà. Je reviens un peu sur cette ambiance, un petit peu, voilà, balance tempore, etc. Bon, hein. D'accord. Voilà, voilà, comme ça. C'est pas une histoire de régler des comptes, absolument pas. On s'entend bien. Mais ça il va, peut y avoir de la légèreté un peu partout. Un mix pour Alice Valor entre Vanessa Paradis, dans le moins bon des cas, la femme, le tout quand même saupoudré d'air. Parce qu'il y a du air là derrière, vraiment. C'est pas étonnant. Plutôt bien foutu. Voilà. Au programme ce soir. Album de la semaine. La review de Korenko. Le fil rouge. Il y aura une archive après 21h. La Books on the Radio. Et puis des nouveautés. Cool. Ouais, plein de choses. Plein de musique. Comme d'hab. Comme d'hab, allez, on est parti quand même. L'ironie du primate. Humour Louis-Philippard, le sarcasme prud'homesque. Monsieur Laudin, vous faites sans doute autorité en matière de bulldozer, tracteur et caterpillar, mais vos opinions sur la musique moderne et sur l'art en général, je vous conseille de ne les utiliser qu'en suppositoire. Voilà, et encore pour enfants. Album de la semaine, donc. On va partir chez nos voisins français, à Paris exactement. Ah bah on y reste. Bah oui. On était avec Alice. C'est ça. On reste dans le même thème. Ou pas. Avec un quatuor parisien donc, qui s'appelle Pensy Slow, qui s'est formé en 2016. Tout neuf. Tout neuf. Et c'est leur première hippie. Normal. Ouais. Bah oui, forcément. Album éponyme. Donc. Normal. Comme souvent. Comme souvent. Et premier extrait. Pour tout démarrer, suite. C'est ouais. Pas mal. Ouais. C'est pas mal. On va écouter le morceau qui ouvre l'album, figure-toi, ça s'appelle The Deepest Ride, Pensy Slow. Oh, The Deepest Ride, extrait de l'album de la semaine Pensy Slow, album oui. éponyme. C'est marrant comme j'entends pas mal de blues derrière. Ouais, y a, et j'entends d'autres bruits y a des, oui, liés à la table, à mon avis, qui est occupé de mourir. Mais non, mais j'entends du blues dans les influences, la rythmique et tout ça. Y a... Alors ouais, on est dans... Dans le shoegaze. Dans le shoegaze, dans le monde de, un petit peu de la nuit, des corbeaux et tout ça. Paul hein. Wave et tout, ouais, c'est ça. Et puis, je sais pas, il y a cette rythmique un peu dans le tempo, un peu hors du temps. Je sais. Mais en fait, c'est les casques, c'est les prises des casques qui sont un peu embêtantes. C'est vrai. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas où nous sommes. RQC 95 FM, l'émission Tous les canards vont à la mare, et nous sommes ensemble jusque 22h, Parasite y compris. C'est ça, ça arrive. Alors Pensy Slow Quatuor, je vous avais donc dit, avec au chant et avec cette belle voix, quand même, de Diane Pelletieri, nouvelle dans le métier, voilà, assistée de Clément Baptiste et Valentin Beaucourt de Midab. Non, je connais pas. Non plus. Et Mathias Courte de Paille Riche. Un peu plus, là, ouais. Voilà, donc c'est quand même des anciens qui ont fait un nouveau groupe, voilà. Ouais, enfin, des anciens, on s'entend bien, dans l'underground. C'est ça. C'est ça. Alors, ils avaient sorti un premier titre qui était Bright White Water, qui est sorti également en clip. Voilà, donc si vous voulez le voir, il est plutôt bien foutu sur notre site touslescanards.blogspot.com.be. Ah oui, ça a changé maintenant. C'est juste. Il n'y a plus de .com maintenant. .be. Et c'est pas ce morceau-là qu'on va écouter, figure-toi, parce qu'on va écouter le morceau Salvage. Quelle ambiance en tout cas. Ouais. Franchement. Ils ont une très bonne ambiance. Et puis 6 titres pour ceux qui veulent se le procurer. We'll be right back. la radio à gogo. Ouais. Et... Claque la portière. Hein. Claque la portière de Plymouth Fury, c'est le nom du groupe. On retrouve Brice X, Looking for John G. Plymouth Fury, groupe qui a démarré il y a presque 10 ans. Ouais. Ça paraît pas. Mm-hmm. Et ils ont sorti un hippie très très chouette. Oh là, je sais pas ce qui se passe. C'est pas ton micro? Un hippie très très chouette, c'est déjà bizarre. En octobre dernier, le 23 octobre, on écoutait Feelings, extrait de cet hippie très chouette de Plymouth Fury. Si vous voyez pas ce que c'est la voiture qu'il y a dans Christine, superbe nouvelle de Stephen King, d'ailleurs. Ouais. Des très bien adapté au cinéma. C'est vrai. Parfois des bonnes adaptations, parfois pas. On n'a pas des bonnes, hein. Souvent, en tout cas. Allez, fil rouge. Le fil rouge. Nous sommes toujours avec Leonard Cohen. Nous sommes en 1976 et Leonard Cohen refait un tour d'Europe, voilà, pour supporter le premier best-of de Leonard Cohen déjà, au bout de 3 albums. On ne chômait pas à l'époque. Hein. Passer un best-of qui reprenait, à mon avis, déjà les 3 premiers albums. Probablement. Et figure-toi que sur cette tournée, on retrouve notamment quelqu'un qui se fera connaître par la suite, Mademoiselle Laura Branigan. Ah oui. C'est le contrôle. Mm-hmm. Les années 80. Voilà. Ah ouais, c'est ça. Pour ceux qui s'en souviennent. You take my heart, you take my self-control. C'est ça. Voilà, je n'irai pas plus loin. Merci. C'était pour le caméo. Qui ne savait pas, voilà. Ou alors vous tapez ça sur YouTube, vous êtes trouvé. Ou sur l'animateur, c'est selon. Aussi. Bon. Et c'est également sa première apparition au Montre Jazz Festival. Qui tiendra sa maison quand même, quasi. C'est ça. Après, il fera tous les ans. voilà. En 1977 sort son quatrième album Death of Ladies Man, produit par Monsieur Phil Spector, et on retrouve en backing vocal, comme on dit, Monsieur Bob Dylan. Ah oui. Ah bah oui. Et ouais, dis-moi. Non, je disais Phil Spector étonnant. Phil Spector très étonnant. Bah, et... violon, trompette, cuivre, chœur partout. Et ça s'entendra très fort sur cet album. Puisque on va changer pas radicalement, mais ce sera un petit peu un folk un peu plus comment on va dire ça, pailleté. C'est ça. En fait, c'est un très mauvais album de Leonard Cohen. Faut bien l'avouer, franchement. C'est vrai. Ah, d'ailleurs, avant qu'on parle ce soir, j'avais complètement oublié. Ben moi aussi, figure-toi, jusqu'à ce que j'en cherche. C'est quoi le prochain album ce matin? Je vais bien l'avouer. J'ai essayé de trouver la moins mauvaise des chansons. Allons-y. Je suis désolée, le titre m'avait fait rire. Alors, il y a un Phil Spector derrière, il n'y a pas de souci. Le morceau s'appelle « Don't go home with your heart on ». On fait tout dans la poésie. My God. Ouais. Ah oui, il est là. Ah bah oui. Il est bien là. Si vous suivez depuis quelques années maintenant les Canards, hein, je pense que c'est la troisième saison, il y a cette fameuse rencontre avec Core&Co Webzine, qui est notre partenaire pour nous filer quelques news de la semaine passée. Oui, c'est drôle, ça n'a que peu d'intérêt, mais c'est amusant. C'est donc le rendez-vous des musiques brillantes et agitées que vous retrouvez un peu partout, d'ailleurs dans la Grégoire, dans Rive d'Enfer, dans Rock Donations, voire dans... Slipe. Dans Slipe. Dans Transhumance. Dans Transhumance aussi. Il y a du métal partout. Je pense que c'est tout, ouais. Il y a du métal partout. Avec Velvet Kervokian, ce titre de Scrapping Young Lad, 1 minute 17 de bonheur, sur l'album City. Ça dure pas longtemps. Album sorti il y a 20 ans, on en fera un jour une cro. Une petite archive. Bon, allez, les news. Ben, si je prends du temps, c'est parce qu'il n'y a pas eu grand-chose dans les news. D'accord. Mais pas que, puisqu'on a annoncé quand même que Converge revenait avec un nouvel opus, album qui sortira le 3 novembre, donc il doit être... Il est sorti alors. Il est sorti vendredi, voilà, sur le label Epitaph. Single Tear, qui était le premier extrait pour Converge. Et c'est pas folichon, folichon, folichon, d'autant plus que le clip est particulièrement mal foutu, irritant. Et comme maintenant, toute la musique se fait par les images, ça donne pas vraiment envie, quoi. Et le morceau ? Et le morceau n'est pas folichon, folichon, folichon, folichon. D'accord, okay. C'est un tout. C'est là, bien. C'est plutôt prometteur, vous allez vous en faire une idée dans la deuxième partie d'émission. Il y a Godflesh qui va revenir aussi avec un nouvel opus. J'ai et ils ont mis sur leur bandcamp Post Self, qui sera apparemment le nom de l'album. Album qui sortira le 17 novembre prochain. Donc on écoutera ça tout à l'heure, si vous êtes sage. Acid Witch, qui revient aussi avec un nouvel album qui s'appelle Evil Sound Screamers. Et là, c'est plutôt du bon cru, si vous aimez des trucs un petit peu psychés, un petit peu lourdingues comme ça. C'est très bien fait pour Acid Witch. On continue dans les news avec Like Most the Flame, qui a sorti un nouvel album aussi qui s'appelle Dark Divine, album qui s'écoute avant tout en images aussi, hein, ça devient la mode. YouTube qui reprend un petit peu tous les disques là. Hein. Ouais, ouais, ouais. Sorti toujours pour Wedge, qui est un trio allemand, qui va sortir un deuxième opus qui va s'appeler Killing Tongue. Ça sortira le 9 février prochain, on a un peu de temps devant nous, ça va sortir sur l'excellent label Heavy Psych Sounds. Donc là, il y a moyen d'aller chercher un petit peu de gadou et de patchouli, si vous voyez ce que je veux dire. L'album va compter 9 titres et la pochette est déjà tout un programme. C'est plutôt bien. Retour aussi pour Cannibal Corpse, on en a parlé évidemment. Nouvel opus qui s'appelle Red Before Black. Et c'est du Cannibal Corpse, pur jus évidemment. Cannibal Corpse ne sait faire que du Cannibal Corpse. Je t'attendais là et je ne peux que te donner absolument raison. Il y a une très grosse sortie pour Night Demon. Ça va sortir sur le label SPV le 19 janvier prochain, c'est un peu de temps. C'est une réédition avec plein de formats différents. Hein. Je vous ai déjà expliqué l'histoire. On sort du CD, du vinyle, CD1, CD2. Un petit peu d'images, un peu de vidéos, bref, grosse sortie pour Night Demon. On poursuit aussi avec Orphaned Land, ouais, c'est tous les jeunes qui reviennent, hein, qui va sortir un album qui s'appelle Unsung Prophets and Dead Messiah. Ça sortirait chez Century Media, ça sera le 26 janvier prochain, en CD, vinyle et en version de luxe. Rapport à ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas de raison de changer. Et puis, c'est un peu tout pour les news, c'est un peu calme. Hein. Ouais, mon avis, c'est bientôt la fin de l'année, il fait froid. Ouais, et dans 15 jours, ça va sortir parce que... Pour Noël. Pour Noël et pour les top albums, évidemment. Ah ben oui, c'est vrai. Ça devient un peu une... Ah, il faudra commencer à y réfléchir. Une mode de sortir plein d'albums, genre les 6 dernières semaines de l'année, histoire de se classer dans les tops. Alors qu'on n'a pas le temps d'écouter. C'est bien parce que c'est frais, non, c'est surtout parce que c'est frais dans ta tête. Ceux qui sont sortis début de cette année. Je pense que c'est ça, absolument. Tu vois, voilà. Psychedelic Witchcraft, on va s'arrêter chez les Italiens qui sortent un nouvel opus. Il y a une certaine Virginia Monti qui est la chanteuse, que je ne connais absolument pas, voilà, on a découvert un peu ça. Qui s'attelle à sortir des disques un petit peu avec tout le monde, avec des Dead Witches, avec donc son psychédélique Witchcraft, et puis aussi en version duo, voilà, s'amuse. L'album s'appelle Sound of the Wind, ça sort chez Listenable. Et ça aurait pu sortir chez Heavy Psych Sounds, si tu vois ce que je veux dire. Je vois, je vois. On est un peu dans le gras, là. Hein. Il y a un Motorhead en fond sonore. C'est pas pour rien, pour le coup. Psychedelic Witchcraft, Lord of the War, extrait d'un bon album qui s'appelle A Sound of the Wind. C'est parti. Tous les canards vont à la mare et c'est bien fait pour vous, RQC. Man, I'm so glad you brought me this disconnect tonight. Yeah, I thought you'd like it. Ooh, look at your boy, some pretty girl. Look at these girls out here. All of them dressed real pretty and everything. But look at that one right I'm gonna get down. I think I'll get out. Hey, what's she doing over there, man? I don't know. That look like a bump or something. No, she doing the bump with the hustle on the side. Ooh, I'm having fun, man. I don't get carried away yet. Look at that one shaking over. Yeah, but I better sit down and my lady sitting over there. Oh, I see it right now. I didn't notice yeah, that. Yeah, I better cool it, man. Shake it up, shake it down. Move it in, move it out.

Allez, le petit morceau groovy du soir. Terrible. Johnny Taylor. Pure merveille. Très très connu aux États-Unis, beaucoup moins par chez nous. C'était Disco Lady, extrait de son album sorti en 1976. Son album s'appelle Irgasm. Un petit jeu de mots. Oui, bien senti. Oui, cet homme était né donc en 1933 et il est décédé en 2000 d'une crise cardiaque. À force d'avoir trop écouté son irgasme, peut-être. Peut-être. En fait, il a eu, d'après ce que j'ai lu, un petit problème après sa mort. C'est ah bizarre. Ouais. Parce qu'il y avait 6 enfants reconnus. Ouais. Et 3 enfants de 3 femmes différentes à côté. Est-ce que je dis un petit problème d'irgasme, quand même. Ce qui a fait qu'il y avait quelques problèmes d'héritage, n'est-ce pas. Voilà. Pour la petite histoire de Johnny Taylor. Paris. On s'en va avec un duo qui raconte des histoires. C'est comme ça qu'ils se sous-titrent. Ça s'appelle, le groupe s'appelle Cérémonie. Et il figure en bonne place sur le à découvrir absolument numéro 44. Et donc on va écouter Nuit Blanche, Cérémonie, avec un petit 3 titres qui est sorti en ce début d'année. C'est parti, Cérémonie. I just want you to know I could. Ah bah oui, on peut le remercier quand même. Hein. On peut le remercier. De Patriotic Sunday. Mais encore. Celui qui se cache derrière ce nom, c'est Eric Pacro, membre du groupe nantais Papier Tigre. Ah bah oui, tiens, bah vieille connaissance. Voilà. Il vient de sortir un album qui s'appelle Dylan Revisited, qui a été enregistré en live à Nantes. Eh ben... Et donc, il reprend quelques morceaux de Bob Dylan. C'est plutôt bien foutu, quand même. C'est très, très bien fait. On écoutait Masters of War. J'ose dire au moins une fois du Dylan chanté pas faux. Chanté juste. C'est ça, voilà. Non mais bien, franchement bien, belle découverte. Quand même. Belle découverte. Les aléas du show business, vous savez comment ça se passe. On est en 1982 et il y a une certaine Grace Jones qui va sortir un sixième opus qui s'appelle Living My Life, avec des titres plutôt bien sentis, notamment Nipple to the Bottle et The Apple is Stretching. Nipple to the Bottle, c'était enregistré par Sly and Robbie. Mm-hmm. Voilà, okay. Trouvé sévère. Et de Apple Stretching, on n'est pas en reste, puisque c'est rien que moins qu'un certain Melvin Van Peebles qui va s'en occuper. Écrivain, réalisateur, acteur, musicien, une dizaine d'albums, 10-12 albums à son actif, dont des bandes originales de films. Et son film le plus marquant, évidemment, c'est le Sweet Sweetback Badass Song, qui est un film début des années 70, où ça raconte l'histoire d'un kids qui va être embauché, détourné dans un bordel. On est dans la Black Exploitation la plus totale, la plus folle, un film complètement débridé qui n'a absolument pas vieilli d'ailleurs. Si vous voulez vous faire une idée de l'ambiance des années 70 et de ce qui pouvait se passer aux États-Unis, ben, c'est une belle porte d'entrée, ce Sweet Sweetback Badass Song. Le Sweetback Badass étant l'arrière-train, le popotin des filles qui vont un petit peu faire tourner la tête à Melvin Van Peebles à ce moment-là. Revenons à Grace Jones, ces deux fameux titres, Nipple to the Bottle et The Apple Stretching, qui vont sortir en 45 tours, évidemment, quand même dans les années 80, et qui vont bénéficier d'une bonne sortie, sauf en Europe, où on va remettre les deux titres sur le même 45 tours. Voilà. Tout à faire. Alors qu'aux États-Unis, au Canada, il y a même des singles promotionnels avec des shorts et des extended versions, etc. Bref, les deux titres vivent bien leur vie séparément, sauf en Europe, où on va donc retrouver ce 45 tours. Face 1, Nipple to the Bottle, Sly and Robbie, et face 2, The Apple Stretching, qu'on va écouter maintenant. Tout ça coécrit par l'excellentissime Melvin Van Peebles, qui vit toujours d'ailleurs, et qui est le papa de Mario Van Peebles, un des acteurs phares des années 90. Eh bien. Ça craque, c'est normal. The sun comes swaggering across the harbor and kisses the lady waiting in the narrows. And she already plenty shaky stands there, blushing, clutching the torch of liberty. Uptown Luigi, who don't speak English so good, is having an accident, backing his dump truck into the fence. Rain. No, it ain't judgment. lady is cursing the waiter for giving her a free coffee. Lucky he's a Jesus-free moonlighter. At the Acme discount store over in Queens, the burglar Lon starts to scream. A cop whips out his gun, fires one, and yells, Allez, Books on the Radio, avec un bouquin qui aurait pu retracer une vraie histoire. Ah ouais. Ah ouais. Fabrica de Cyril Gély, français, voilà, qui a été, qui a reçu notamment le Grand Prix du Jeune Théâtre de l'Académie française, vu qu'à la base, il est... acteur. Non. Scénariste. Ah oui. Voilà. Notamment, il a adapté Diplomatie, qui a reçu un César en 2015. Bien. Voilà. Donc on part sur de bonnes bases. Alors, Fabrica, voilà, c'est écrit en allemand. Oui, pas comme ça. Fabrica, en fait, c'est le diminutif de Fabrica Beaubreclair, autrement dit, l'usine à Rhin. Oh là! Ah oui! Oui. Donc, on va parler évidemment du trafic d'organes. Ah ouais. Il faut déjà aller chercher. Alors, on retrouve en fait le personnage principal qui est photographe reporter de guerre, qui s'appelle Charles Kaplan, qui est donc français, et qui se retrouve dans une guerre qui aurait pu très bien se produire entre l'Ukraine et la Russie. C'est sorti en 2016. Voilà, tout est dit. Donc, il se retrouve sur ce conflit où il est photographe. Il suit forcément les Ukrainiens, les pro-russes ukrainiens, mm-hmm. les Ukrainiens qui veulent leur liberté. Et il va suivre pendant 3-4 jours une personne en particulier qui va lui faire rencontrer sa famille, qui va se battre contre les Russes et les pro-Russes. Et finalement, forcément, c'est la Russie. Qui va l'emporter. Bien sûr. C'est comme au foot et l'Allemagne qui gagne toujours à la finale. C'est ça, voilà. Ça pourrait. Ça pourrait. Et la personne qui l'a accompagné durant cette semaine, là en tout cas, va décéder. Lui va se retrouver à l'hôpital. Puisqu'il va se faire tirer à la cuisse. Mmh. À l'hôpital, il va rencontrer une chirurgienne qui va lui dire bah voilà, vous êtes reporter. Moi, j'ai un petit souci dans mon hôpital. C'est que le cadavre de votre ami a disparu et c'est déjà le 7e cadavre qu'on me vole. Carrément. Ouais. Mais ça donne pas envie d'être la lousteau. Hein. Ça, en temps de guerre en Ukraine. Ouais. Voilà. Et elle va lui dire bah voilà. Je pense savoir pourquoi on vole les cadavres, c'est pour leur prélever des organes et les revendre à d'autres personnes. Et se faire un petit peu de sous-sous dans la popoche. Voir énormément de sous-sous dans la popoche. Elle lui dit, bah voilà, moi je pense savoir quel chirurgien pourrait faire ça. Il s'appelle Terex Malko. Il est ukrainien et c'est le premier chirurgien ukrainien à avoir fait une greffe du rein, en fait. Donc chirurgien ukrainien très connu. Qui a à côté sombre quand même. Mais voilà. Donc lui, il va se mettre sur les traces de ce T-Rex Malco. On sait tout de suite qu'il y a un côté sombre ou bien... Oui, c'est expliqué quand même. Ouais, ouais. C'est assez bien expliqué. Le problème, c'est que T-Rex Malco, c'est un peu un fantôme. On ne sait pas où il est. On ne sait pas trop où il est. Alors, on va partir un peu dans toute l'Europe de l'Est, plus ou moins, puisqu'on va passer par l'Autriche, par l'Ukraine, par l'Allemagne, on va aller jusqu'en Chine pour revenir en Ukraine. Enfin, bref. Voyage dans ce bouquin. On voyage énormément dans ce bouquin. Alors, ce n'est pas sans risque, forcément. Parce qu'il va se mêler d'affaires qui ne devraient pas se mêler. Et donc voilà, ça c'est un peu un roman d'aventure. Ouais, pas vraiment thriller. C'est si, quand même. Un petit peu, ouais. Bah, ouais. Surtout la fin qui est assez déroutante, mm-hmm. On va dire ça comme ça. C'est surtout très bien écrit. Ah. Ouais, voilà. C'est un style qui est complètement direct. Donc il n'y a pas de chichi, il n'y a pas... Il n'y a pas de décrire un paysage pendant 5 pages, quoi. Ouais, d'ailleurs, l'ouvrage semble pas trop épais, finalement. Non, ça va encore. Ouais, ça va encore. Classique, quoi. Alors, au début, c'est un peu long, parce que, bah, voilà, pour ceux qui sont pas fans des livres un peu de guerre, et ça part dans tous les sens, c'est un peu... Faut situer le contexte. Voilà, mais par la suite, c'est parti, on s'arrête plus. Donc, mais quand je disais très bien écrit, je vais quand même lire un passage qui m'avait dit, c'est très humain comme bouquin aussi. Voilà, parce qu'il a beau être photographe de guerre et avoir vu plein de choses, vu qu'il avait, photographié notamment la guerre en Bosnie, etc. Voilà, où il avait dit, oui, c'est la pire des choses que j'ai vues, c'était bien cette guerre-là. Et finalement, bah, la pire des choses qu'il a vues, c'est en faisant ce reportage sur... sur ses problèmes d'organes. Et il dit, ceux et celles qui sont passés ici, sur ce billard, ne le font pas de gaieté de cœur. Ils avaient quelque chose à vendre eux-mêmes, une partie d'eux-mêmes, peu importe leur religion, leur couleur, leurs idées politiques, le chirurgien assisé, prélevé et recousé. Le receveur arabe, riche mais en mauvaise santé, recevait le rein d'un orthodoxe, pauvre mais sur ses deux jambes. Terriblement humain, effectivement. Terriblement humain. Voilà. Donc, voilà, pour ceux que ça intéresse. Cédric Gély. Cyril Gély. Cyril Gély, Fabrica, ça sort en poche chez J'ai lu. Ouais, c'est ça. C'est le livre de poche. Et conseil consommateur, quand même. Ouais, quand même. Voilà. Bon. C'était sorti en 2016 à la base chez Albin Michel. Et la psychologie des personnages, ça a l'air riche. C'est, lui, en tout cas, Charles Caplon est. Il a une famille, là, mais c'est un journaliste d'abord. Ce qui veut tout dire. Et en même temps, on apprend plein de choses sur lui et sur sa vie. Et sur quelques personnages autour de lui qui sont très attachants pour certains. Et un peu moins pour d'autres. Mais à la fin, c'est très perturbant. La fin est très perturbante. Bien. Cyril Gély, Fabrica, conseil consommateur du sort, évidemment. Ouais. Vous pouvez retrouver tout ça, évidemment, sur notre page Facebook. Hein? C'est ça, bon. Voilà. Allez, on s'en va. Bernissart, c'est pas si loin que ça. Hein. Ça fait quelques années que Eric and the Kitchen sort de sa cuisine pour nous sortir quelques excellents disques dont il a le secret, j'ai envie de dire, mitonné aux petits oignons. On est au rayon plutôt pop, shoegaze, un parti pris bien senti qu'il défend ardemment, y compris sur les réseaux sociaux. Voilà. Oui. Et c'est pour ça qu'on s'arrête et qu'on le salue au passage. D'ailleurs, Eric in the Kitchen, extrait d'un hippie qui s'appelle September. Vous l'aurez compris, depuis le début d'année, il sort un 3 titres tous les mois. Mm-hmm. Janvier, février, mars, année. On est en septembre, enfin même on est en novembre, mais on va quand même s'arrêter sur le September. Avec le morceau Shooters, Eric in the Kitchen. You don't know how to bring sorrow, you shooters. We don't know how to stop your wall, you sinners. don't know how to bring sorrow. You should have. We don't know how to stop your wall. You sinner. Suite et fin de l'album de la semaine, toujours avec le quatuor parisien Pensy Slow. Mm-hmm. Alors toujours pas, il n'y a pas encore de date de prévu de concert. Ils prennent le temps. Ils prennent le temps pour faire la promo de leur album, premier album donc, album éponyme, dont on va écouter un dernier extrait ce soir. Faut bien que ça s'arrête à un moment donné. C'est ça. Après on peut encore l'écouter par la suite. Oui. Bien sûr. Le morceau s'appelle Nothingness, Pensy Slow. Thank you.

3 novembre 1992. Oui. Et 5 novembre 2017. 25 ans pour ce premier opus de Rage Against the Machine, qui du coup fait figure de l'archive du dimanche. Forcément. Mais sans sens péjoratif, pour le coup, pour le dimanche. Parce que cet album est une pierre angulaire de la musique moderne, de la musique engagée, de la musique rythmée, forcément, mais aussi du texte. Parce que dans ce disque, on découvre un type assez passionnant qui s'appelle Zach de la Rocca, qui a tout d'un écrivain. Ouais. Avant même d'être un chanteur, même s'il chante très bien. Hein. Mais c'est avant tout quelqu'un qui est un homme de mots, un homme qui a des paroles, un homme qui est engagé. Et ça fera l'objet évidemment de toute la curiosité autour de ce groupe qui arrive presque sur la pointe des pieds, en tout cas sans faire trop de bruit. Sauf qu'ils en font du bruit, et sauf que dès le deuxième single, qui clôturera cette chronique évidemment, on va mettre bien les pieds dans le plat, et ce qu'on a pu faire passer pour de l'aimable fusion rap-metal façon Living Color, forcément ça prend tout à fait une autre envergure. Ils n'étaient donc pas les premiers à mélanger les genres, mais ils l'ont fait tellement bien. Public Enemy qui rencontre Led Zeppelin, c'est comme ça qu'on a présenté le groupe à ses débuts, et c'est tellement vrai, c'est tellement ça. Clairement. Tom Morello a du Jimmy Page dans ses doigts, vraiment. Et Zach de la Rocca, n'a rien envie à Chuck D, évidemment. Et alors derrière, la rythmique, ça défonce. Voilà, Rage Against the Machine, déjà quand on prend un blast comme ça, comme nom de groupe, on peut s'attendre quand même à avoir quelques réactions. C'était voulu. C'est un album qu'on appelle généralement les jalons, comme ça. Et il y a plein de moins bons groupes, évidemment, qui vont s'essayer à faire ça. Limp Bizkit, par exemple. Voilà, au hasard. Mais ce n'est pas ça qu'il faut retenir. Il faut retenir aussi cet artwork assez incroyable. Une photo de Thich Quang Dior, qui est un moine bouddhiste vietnamien qui s'immole par le feu à Saigon en 63 pour protester contre l'oppression des moines bouddhistes menée par l'administration du premier ministre Ngo Thich Diem. C'est déjà engagé très politiquement, on ne va pas chercher n'importe quoi. Et évidemment, cette cover fera le tour du monde, bien évidemment. Comme la photo. Et bien sûr, comme la photo, groupe qui se veut quand même un peu en dehors de tout, et ça c'est le grand paradoxe de ce groupe qui va même conduire à se dissoudre. C'est un groupe qui se veut anticapitaliste, qui se veut résolument altermondialiste. Les chansons parlent du racisme, évidemment, parlent de la mondialisation galopante. On est quand même en 92, il y a 25 ans d'ici, et ils sont déjà bien, bien loin dans leur réflexion sur ce qu'on vit 25 ans plus tard. Finalement, ils avaient un petit peu tout compris. C'est pour ça que je dis que le gars, en plus d'avoir une plume, a un fameux cerveau, parce qu'il peut anticiper un peu, le Zach de la Rocca. Et malgré tout, il n'y a pas moyen, cet album sera... inspirant, et va figurer sur des bandes sonores de jeux vidéo, de films, Matrix, Grand Theft Auto, etc. C'est ce qui va conduire évidemment à la dissolution du groupe, parce que ça provoque des débats incessants au sein des quatre. Brad Wilk à la batterie, Tim Comerford à la basse, Tom Morello à la guitare et Zach de la Rocca au chant évidemment et aux paroles. Ils vont faire une pause après leur troisième album, pensant un petit peu poser le micro et prendre un peu de temps pour eux, bien mal leur en l'a pris, parce qu'évidemment cette pause va s'éterniser. Leur vraie carrière, c'est 91 jusque 2000. Voilà. En 91, il y a encore un projet qui s'appelle Inside Out. Si vous voulez découvrir Zach de la Rocca qui chante comme un punk, qui crache façon Johnny Rotten, c'est là-dessus que vous allez retrouver ça. Ça sort sur Revelation d'ailleurs, le label Revelation Records, si jamais allez fouiller. Faut chercher. Allez fouiller ça. Bon, mais revenons à Rage Against the Machine, ça va durer moins de 10 ans, puisque en 99, après le troisième album, il y a une vraie pause qui s'installe. Ils vont se reformer pour le Coachella en 2007. Ils vont retenter quelques expériences, on annonce un album pour 2012, puis un album pour 2016. Évidemment, on ne voit rien venir. Il y a quand même Zach de la Rocca qui veut faire son truc tout seul, et lui, ça marche pas très très bien finalement. Et les autres vont se transformer plus ou moins en groupe de cover, puisqu'ils vont créer un espèce de super groupe qui s'appelle Prophet of Rage, qui est probablement une des plus grandes déceptions du monde de la musique clairement des années actuelles, puisque, excusez du peu, on retrouve, ben, sauf le chanteur, To Rage Against the Machine, accompagné de Chuck D, de Public Enemy, et Doug de Be Real, pardon, de Cypress Hill. Ouais. Donc il y avait moyen. Eh ben non. Eh ben non. Eh ben non. Des fois. Eh ben non. Comme quoi. Tu prends des bons, tu les mets ensemble. Des fois, ça fait pas bon. Des fois, ça voilà. Fait pas bon. Exactement. Voilà, Rage Against the Machine. Ruez-vous quand même encore sur cet album. Ah ben oui. Quand même. Qui a. Ben voilà. Un monument du rock, quand même. C'est un monument. Ça vieillit très, très bien. Et retenez bien ça. Public Enemy qui rencontre Led Zeppelin. C'est absolument ça. C'est précisé dans le disque, hein. Il n'y a pas d'overdub, il n'y a pas de sample, il n'y a rien, tout est joué. C'est très organique et c'est très très puissant. Allez, le classique parmi les classiques pour ce premier opus, Killing the Name, bien évidemment. Now you do what they told you.

think you succeeded? I wanted to get tight. Why? What have you got to get tight about? Oh, I don't know. A few things. Eh ben. Une petite nouveauté. Nouveau. Le groupe s'appelle Street Sects. Mm-hmm. Donc les ça, sectes c'est, de la rue. C'est pas gentil. Hein. C'est pas gentil de faire des noms pareils. Hein. Ouais, c'est ça, pour les animateurs radio, c'est pas sympa. C'est extrait de leur troisième EP à titre qui s'appelle Rat Jacket. Mm-hmm. C'est plus facile à dire. Et le morceau s'appelle In Prison At Least I Had You. Eh ben. Duo texan. Ah ouais. Voilà. Qui fait pas les choses à moitié. Non, pas du tout même. Pas du tout. Bon, rayon indus, on poursuit. Les vétérans de Gold Flesh, on en parlait dans la petite review de Koranko. Eh ben ouais, ils vont revenir avec un nouvel opus. 25 ans de carrière bien tassés derrière eux. Justin Broderick toujours à la manœuvre. Et Ted Persons aussi. Duo bah finalement qui se fait discret parfois, mais quand ils reviennent, apparemment sans force, comme ce post-self annonciateur d'un album éponyme, Godflesh. We'll be right back. Ah, on vous l'a dit, ils font pas les choses à moitié. Hein. Quand, ah non, c'est sûr. Quand ils reviennent, Godflesh Post Self, et l'album est attendu pour novembre. Eh ben, ça promet. Oui. Elle est morceau de Décroche, et tiens, tiens, on va parler d'un morceau qui est également assez politique, puisque c'est un morceau des Casabiennes, figure-toi, qui s'appelle Club Foot, et qui est dédié en fait à Yann Palach, qui s'est immolé par le feu en 1969. Encore un. Encore un, pour protester contre la répression soviétique contre la Tchécoslovaquie. Voilà. Il y avait de l'inspiration ce soir. Il y avait de l'inspiration ce soir. C'est extrait de leur album éponyme qui était sorti en 2004, Casabienne, avec Club Foot. Et oui, c'est déjà la fin. C'est déjà la fin, quoi que vous fassiez. Quoi que vous fassiez, faites-le bien, sortez couvert, soyez prudent et à la semaine prochaine. C'est la fin, en effet. Bonsoir. What are they doing at night in the